conférence, le problème de Mario, c'est qu'elle tenait toute la conférence dans le micro. Faut qu'elle arrête au bon moment. Et si tu continues à parler, on va commencer la conférence. Un peu pour enregistrer dans le micro. Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette conférence. Merci. Mort et réincarnation. J'espère que tu vas y assister comme il faut. La question que je me suis toujours posée, moi, c'est comment on peut faire pour parler de la mort? Quand on est vivant. Étant vivant, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être difficile. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est définitivement un sujet qui devrait intéresser beaucoup de gens. J'espère que, à la lumière des énonciations que tu vas faire, qu'on va comprendre mieux qu'est-ce que c'est qu'est la mort. Car beaucoup de gens vivent une vie tout en pensant continuellement à la mort. Pas nécessairement tous les jours, mais dans leur cellule, il y a toujours une crainte de la mort. Avant de parler de la réincarnation, Daniel, j'aimerais ça peut-être que, pour bien cerner qu'est-ce qui est la mort, je pense que faudrait peut-être regarder, premièrement, la multidimensionnalité de l'homme, l'être humain, l'homme. Si tu parlais, si tu énumérais les différents corps rapidement, brièvement, pour partir de là, puis regarder qu'est-ce que c'est qui meurt et qu'est-ce que c'est qui possiblement ne meurt pas. Bon, alors on a le corps physique qui ne meurt pas. On a le corps vital qui ne meurt pas. On a le corps astral, qu'on appelle souvent l'âme, qui va mourir, mais qui présentement ne meurt pas. On a le corps mental qui va mourir lui aussi, et qui présentement est en train de naître. On a le corps supramental qui ne meurt pas, et qui n'est pas tout à fait né encore chez l'homme. Et on pourrait parler du plan bouddhique, qui est du plan divin, c'est-à-dire du phénomène de l'amour intelligent, s'il est relié au plan supramental, et de l'intentionnalité. Mais ce sont deux phénomènes qui ne sont connus que par les archétypes cosmiques qui relient l'homme au monde de la mort, mais qui ne sont pas apparents chez l'homme encore. Bien souvent, dans des livres occultistes, on décrit l'homme comme ayant sept corps. C'est tout à fait faux, l'homme n'a pas sept corps. L'homme a quatre corps et demi, c'est-à-dire qu'il a presque cinq corps. Et l'homme n'a pas ce corps, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de corps bouddhique, l'homme n'a pas de corps divin encore. L'homme a un corps supramental naissant, un corps mental, un corps astral, un corps vital, un corps physique. Quand je dis que le corps physique ne meurt pas, c'est que le corps physique est constitué d'atomes, et ces atomes-là ne meurent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détruits, transformés en énergie. Un corps physique va mourir seulement s'il est complètement calciné et brûlé, ou il va mourir s'il est à quelques pieds d'une explosion nucléaire. Alors il va mourir en ce sens que même les atomes vont être détruits. Au niveau de l'incendie, les atomes ne sont pas détruits, mais toutes les particularités qui faisaient que le corps physique était organique va être démolies complètement. C'est donc envoyé au niveau de notre atmosphère. Il y a quelques parties carboniques qui vont rester au niveau matériel. Le corps physique ne meurt pas. Par contre, le corps physique a une mauvaise tendance, on l'a déjà constaté, à vouloir se transformer. Alors, quand on est jeune, on est tout content parce qu'il se transforme, il va vers la mort, on appelle ça vieillir, et l'enfant est tout content de vieillir. Lorsque l'enfant est rendu à un point culminant de son vieillissement, eh bien là, il devient un adulte. Et là, il prend conscience que maintenant, ce qui l'attend en avant est un épuisement de son énergie vitale. Et il se dirige vers la mort. Mais le corps physique ne meurt pas. Il a cette fâcheuse tendance à se transformer. Et c'est pourquoi on doit continuellement l'alimenter de façon à lui donner suffisamment de structure pour qu'il ne s'oublie pas. Sinon, il maigrit finalement et il tombe. Et à un moment donné, le corps physique n'a plus la capacité de maintenir l'orchestration extrêmement complexe de ses cellules, des molécules et des atomes qui le constituent, et il se désagrège. Se désagrégeant, bien, il commence par une désagrégation plus particulière. Ça peut être la calcification des artères qui peuvent engendrer des phénomènes d'athérosclérose ou d'artériosclérose qui donnent des angines, qui donnent des infarctus, qui donnent un paquet d'autres phénomènes. Il peut donc y avoir une panoplie de transmutations corporelles qui engendrent des maladies, et une grande partie de ces maladies-là sont toutes classées sous la même pathologie, le vieillissement. Le corps physique finit par abandonner l'âme, abandonner la vie, et le corps physique réintègre simplement le monde matériel dans lequel il était, il se transforme. Du point de vue de l'âme, le corps meurt. Mais le corps ne meurt pas, en réalité c'est l'être humain qui meurt, c'est-à-dire que ce qui constituait l'être humain n'est plus là. Un être humain est constitué de l'agglomération plus ou moins fusionnée, d'un corps de chair, molécule atome, d'un corps de vie, énergie subatomique, intraatomique, d'un corps astral, l'âme, c'est-à-dire ce qui permet à l'être humain de mémoriser le fait qu'il est présent et qui lui donne de l'émotion, qui lui donne des sentiments, des désirs, des peurs, etc. Le corps mental qui lui permet de légiférer sur sa vie, de comprendre des choses, d'avoir une espèce d'efficacité d'intervention dans le monde dans lequel il est placé. Et ça, tout mis ensemble, constitue l'homme. On dit un être humain meurt lorsqu'une de ces parties-là s'en va. Si on parle d'un zombie, le zombie est un mort vivant. Donc, c'est un mort. Mais étant donné, pourquoi on dit mort vivant? C'est parce que bien souvent, on pense qu'un être humain est vivant seulement si le corps est vivant. Mais dans le cas d'un zombie, on voit un corps qui semble vivre, il y a une pulsation cardiaque, il y a un rythme respiratoire. Il n'y a à peu près pas, sinon pas du tout, de détection électroencéphalographique, c'est-à-dire que dans l'électroencéphalogramme, ne détecte à peu près rien. Et surtout, l'individu n'est absolument plus manipulé par une intentionnalité astrale, c'est-à-dire que l'individu, le zombie, n'a pas de désir, il n'a pas de peur, il n'a pas de crainte, il n'a pas de besoin psychologique. Alors, on se rend compte qu'il lui manque quelque chose, en l'occurrence, l'âme. Et c'est pourquoi on va dire mort, mais il est vivant, le corps bouge. Et là, il y a énormément de zombies sur la planète dont les corps bougent, mais ils sont morts. Alors, il y a, phénoménalement parlant, plus de 5 milliards d'êtres humains morts qui sont vivants. Et quand je dis mort, ben, certains ici me comprennent, évidemment, mais quand je parle de mort, je parle d'êtres humains qui ne sont pas vivants, en ce sens qu'ils ne sont pas en affinité instantanée avec la réalité, mais ils sont toujours obligés de décoder la réalité à partir de la mémoire qu'ils ont de la réalité. Ils sont toujours un peu dans le passé, dans le monde de la mort. Alors, on reviendra là-dessus à un moment donné. Bon. Alors, on a donc notre individu qui est l'être humain, l'humain, qui est une agglomération de minimum 4 corps. Le corps physique, le corps vital, qui est l'énergie mémorielle. On sait très bien que dans une pomme verte, si on la met sur une table, elle mûrit, il y a de la vie dedans. Un morceau de viande, si on le met sur une table, il pourrit, il n'y a plus de vie dedans. Alors, nécessairement, on voit une dégradation de la mémoire. Le corps oublie, donc il pourrit. Alors, il y a le corps physique, le corps vital, le corps astral, l'âme, et le corps mental chez l'être humain. Il y a presque 5 corps parce qu'il y a un embryon de corps supramental dans plusieurs humains. Alors, on parle donc de l'être humain. Alors, le corps physique ne meurt pas, mais il se désagrège. Le corps vital regagne simplement l'énergie vitale de la planète, ça ne meurt pas. L'âme gagne le monde de la mort lorsque le corps physique le quitte. Et là, on parle de mort. Et l'âme meurt, quitte le corps physique, mais ce n'est pas mort, pas en mon sens. Lorsque ça gagne le monde de la mort, c'est mort. Pourquoi? Parce que quand l'âme gagne le ciel, eh bien, l'âme oublie totalement ce qu'elle est. Elle se fait digérer complètement par le ciel. Alors, l'individu n'est plus un individu. Il n'y a plus d'identification, de personnalité, de quoi que ce soit. Ce n'est que de la fumée astrale, des mémoires, qui vont se mélanger avec le reste du monde de la mort. Et quand ça se réincarne quelques secondes astrales plus tard, dans 200-300 ans planétaires, eh bien, l'individu ne se rappelle pas qui il était, parce que finalement, il y a un mélange, il y a fait quelque chose. Et le corps mental, qui est assujetti à l'âme, meurt aussi. OK. À ce moment-là, Daniel, là, ça ne se fait pas immédiatement, instantanément. Non. Alors, il y a des gens qui peuvent mourir dans 10 ans à ce moment-là, après que tu... Le corps physique fait partie. C'est ça. Oui. Maintenant, je voudrais revenir au corps physique, là, avant qu'on passe à l'âme. Là. Tantôt, tu as mentionné que le corps physique ne meurt pas, il se désagrège. Mais, et puis que les particules atomiques s'en vont dans l'atmosphère, ou s'en, je ne sais pas trop ce que tu as mentionné, qui s'en allait, là. Mais pour nous, là, il meurt pareil, tu sais. Est-ce que... Pour moi, là, pour ne pas mourir, il faut qu'il y ait mémoire. Alors, est-ce qu'il y a mémoire dans ces cellules, dans ces atomes, à ce moment-là? Bon, il y a une mémoire de l'être humain au niveau de la structure intra-atomique des atomes. C'est-à-dire que chaque phénomène atomique conserve et mémorise d'une façon akashique, c'est-à-dire d'une façon absolument pure, tout l'événementiel auquel il a participé. Cela veut dire que l'oxygène de l'air a en mémoire des milliards et des milliards, un peu plus de 200 milliards d'êtres humains. Et ce sont les êtres humains qui ont respiré sur notre planète depuis le début. Alors, il y a nécessairement cette mémoire-là. Sauf que c'est une mémoire qui n'est pas codifiable. C'est un peu comme si on prenait un ruban magnétique de cassette. On le sort de la cassette, on le tourne dans l'air. Et puis après ça, on s'imagine qu'il a mémorisé tout le son qu'il y avait dans l'air. C'est vrai, il l'a mémorisé. Mais d'une façon tellement sensible qu'un lecteur de cassette ne pourra pas le décoder. Alors, il faut qu'on ait un amplificateur pour pouvoir le codifier convenablement, de façon à pouvoir le décoder convenablement. Alors, les atomes mémorisent l'humain, sauf que les atomes vont conserver en mémoire exclusivement l'événementiel de l'homme, sans personnalisation, sans identité. Autrement dit, pour un atome, un être humain et un bloc de glace, c'est la même chose. Le bloc de glace fond, donc il bouge. Le bloc de glace glisse, donc il bouge. Ça crée un événementiel, ce que moi j'appelle un événement mobile. Par contre, le bloc de glace ou la roche qui est fixe, c'est un événement fixe. Là, l'être humain est un événement mobile parce qu'il a la faculté de se déplacer. Et on peut avoir l'événement complexe, qui est l'association des événements fixes et des événements mobiles, qui constitue le cadre du monde astral dans lequel on plonge, dans lequel on vit, qui est l'association du déplacement, et de la rencontre, de l'interaction entre tout ce qui est événement fixe et mobile. Au niveau atomique, il y a la mémoire relativement structurée de, on parle de phénomène akashique, qui est un terme aryen, un terme hindou, qui désigne une mémoire événementielle, une mémoire du temps, mais sans coloration astrale. Donc, dans cette mémoire akashique, un être humain qui passe, ou une vache qui passe, ou un train qui passe, ou un oiseau qui passe, ou une brindille de foin qui passe, c'est mémorisé, c'est le même phénomène. Alors, du point de vue atomique, C'est mémorisé, mais c'est non conscient. Ben, c'est mémorisé comme une photo. C'est pas conscient. C'est évident que c'est pas conscient. C'est akashique. Ça n'a aucune conscience. Qui a accès à lire dans ces mémoires-là? Ben, le monde de la mort a accès à lire dedans parce qu'il en est constitué. Donc, l'être humain, globalement, a accès à ce phénomène-là. C'est pourquoi, lorsqu'un être humain approche d'un maître, par exemple, eh bien, même si le maître ne dit rien, l'être humain respirera le même oxygène que lui. Nécessairement, il va respirer des molécules que l'autre aura rejeté. Alors, il aura une vibration, il pourra décoder physiquement dans son corps vital, dans son corps physique, un schéma de conscience qui se rapproche du maître. Une personne qui rentre dans une maison, ou dans un cimetière, ou dans un endroit où il s'est passé quelque chose de violent, va respirer des particules de poussière dégagées par l'endroit, ou des particules simplement au niveau gazeuse. Et il aura aussi l'impression, c'est le terme qu'on peut employer qui est le plus parfait, parce que ça fait référence à l'impression photographique ou à l'impression sur une bande magnétique. Alors, il aura l'impression, il sera impressionné par ce qu'il captera. Et étant donné que, dépendant de sa faculté de décoder les choses subtiles, eh bien, il pourra, s'il est sensible, vivre ou percevoir ce qui aurait été vécu ici. Alors, qui peut avoir accès à ça? Tous les humains, mais ça dépend encore de la faculté qu'a l'humain de s'écouter. Il y a beaucoup d'êtres humains qui vont faire leur épicerie et qui regardent des légumes ou de la viande, et puis qu'ils ont il y a des choses qui leur disent quoi prendre. Mais l'humain va regarder le prix à place, va regarder la couleur à place, va regarder la grosseur à place. Alors finalement, l'humain, s'il n'a pas la faculté de s'écouter, eh bien, ça ne marche pas. On a l'humain qui est perdu et qui sait instantanément où aller, mais étant donné qu'il doute toujours de lui, bien, il finit toujours par se prouver qu'il a raison, qu'il n'est pas capable, qu'il prend toujours le mauvais chemin. OK. Ce que tu viens de dire, c'est la première fois que j'entends ça. Habituellement, on parle que ça vient du corps astral, les mémoires qui sont ressenties et pressenties par l'être humain présent. Toute la manipulation astrale se fait par le corps physique. Pas de corps physique, pas de problème. Si tu as un corps, un système endocrinien qui n'exprime pas les phénomènes manipulatifs de ton propre astral, et tu ne peux pas lire. Alors nécessairement, cet astral-là ne peut pas lire autrement que par le corps physique, donc il perçoit beaucoup plus par la structure moléculaire. Au niveau du plan vital, on perçoit toute fluctuation dans l'énergie vitale, mais pas dans l'énergie astrale. C'est pourquoi la radiesthésie, par exemple, ne peut pas pénétrer le monde de la mort. La radiesthésie a des limitations au niveau de tout ce qui est de l'onde, de l'eau. Et le monde de la mort est extrêmement... On peut se créer matériellement une protection totale du monde de la mort. Si on pourrait bâtir, par exemple, une pièce comme ici, on aurait un centre, une salle de conférence, et la salle de conférence, eh bien, tous les murs, il n'y a pas de murs. C'est carrément ouvert et puis il y a un plafond qui est extrêmement solide, soit du verre, par exemple. Alors, le plafond est en verre. S'il y a des colonnages, c'est juste du verre, mais un verre trempé. Et un verre trempé extrêmement lisse ou encore de l'acier inoxydable, parce que ça se lave très bien. Et on a un plancher de la même constitution, disons tout de verre. Et au-dessus du toit à l'extérieur, eh bien, il y a une immense chute d'eau qui coule. Et l'eau est suffisamment bien répartie pour que l'eau coule tout autour de la structure de conférence, de façon à engendrer un mur d'eau absolument parfait où il n'y a aucun trou, pas d'interstice de coulée, juste un mur d'eau. Alors, l'individu qui veut rentrer sort son parapluie, traverse le mur et il va s'asseoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait comme phénomène? On aurait un phénomène, premièrement, où les individus qui rentrent dans cette salle devraient au préalable se changer, prendre leur douche, se changer, prendre un linge qui a été désinfecté et qui donc n'a pas été porté par personne. Et par la suite, ils pénètrent dans cette salle et il n'y a, à part ce que l'humain va amener, il n'y a aucune pénétration du monde de la mort dans le contexte astral où on va se trouver, pour la simple raison que le mur d'eau lave régulièrement toute l'atmosphère qui vient traverser. Et pour cela, on doit avoir un purificateur d'air. Si on va avoir un contact avec l'extérieur, un purificateur d'air, disons, je pourrais donner la recette, mais c'est un peu compliqué, on pourrait aussi avoir un récipient d'air à l'intérieur. De cette façon-là, eh bien, l'être humain est absolument totalement coupé de toute forme de manipulation. Alors, si on aurait des hommes d'affaires qui allaient prendre des décisions réellement convenables, il n'y aurait plus de manipulation. Tu ne pourrais même pas penser à ta femme ou à ton mari ou à des problèmes extérieurs, pour la simple raison que dans ce milieu-là, tu serais totalement coupé de la structure de ton canal réincarnationnel qui te relie théoriquement avec le monde de la mort. Et évidemment, au niveau de la matière physique, elle serait totalement purifiée. Il n'y a rien qui peut traverser, ni au niveau de l'énergie vitale, ni au niveau de l'énergie astrale, ni au niveau des molécules. Alors, c'est parfait. OK. Tantôt, tu as mentionné son passage à l'âme, que l'âme ne mourrait pas présentement, mais qu'un jour, elle va mourir. Lorsqu'on dit qu'un individu a rendu l'âme... Oui, il l'a rendu au monde de la mort. C'est ça. Mais c'est tout un paquet de mélanges intéressants. C'est que l'individu, si c'est l'âme, il n'a pas rendu l'âme. Il a rendu le corps. Si c'est lui l'âme. Vu que c'est lui qui part. Il ne rend pas l'âme, c'est le corps qui rend l'âme. Mais l'âme rend le corps. Alors, l'âme rend le corps à la matière, le corps rend l'âme au monde de la mort. Mais il y a toujours l'être à l'intérieur de cela qui n'est pas de l'âme, qui n'est pas du corps physique non plus, mais qui est une alliance, disons, cosmique de ces phénomènes-là et qui, pour lui, ne voit pas de nuance temporelle entre être dans le monde de la mort, être dans l'atmosphère, être dans une fleur ou être dans un corps humain. Ça, c'est de l'identité. À ce moment-là, il y a une identité. Oui. Okay. Alors, donc, quand on parle de justement rendre l'âme, eh bien, en réalité, c'est le monde de la vie qui rend l'âme au monde de la mort. C'est le corps physique, c'est le corps vital, la vie qui rend l'âme. Mais lorsque l'être humain meurt, il y a plusieurs structures au niveau de la mort qui sont suivies. Premièrement, il y a un décodage de l'anti-homme à l'intérieur de l'âme. Et l'anti-homme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 95% de vos problèmes, c'est l'anti-homme. C'est-à-dire que c'est la structure de l'ego anti-involutif qui habite l'humain. Ésotériquement, on va parler de la structure satanique, alors que la structure qui veut faire évoluer l'humain, c'est une structure luciférienne. Alors, on sait dans la partie des histoires, des contes de la Bible, que Lucifer voulait aider l'humanité, voulait faire de l'humanité un être intelligent et patati patata. C'était un phénomène évolutif et ça a été la partie qui a engendré chez l'homme l'idée même de vouloir avancer, évoluer, sacrer son camp, partir, quitter le monde dans lequel Dieu l'aurait créé. C'est luciférien. Et en même temps, il y a une partie satanique qui se plante dans l'homme de façon à ce que l'homme, voulant évoluer, ne se suicide pas, ne quitte pas le plan planétaire immédiatement, donc reste ici. Et l'équilibre entre les deux est extrêmement important parce que ou bien tu ne penses qu'à la matière, c'est donc arimanien ou satanique, ou bien tu ne penses qu'au trip spirituel, c'est luciférien, et quand tu as les pieds à terre et la tête dans les nuages, eh bien tu es relativement en harmonie. Lorsque l'âme meurt, il y a donc la partie anti-homme, la partie involutive, la partie reliée à Ariman ou à Satan, qui déjà décode cela. Cette partie-là ne peut pas gagner le monde de la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a été totalement bannie au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. Dans l'Antiquité, l'humanité, le monde de la mort était à peu près exclusivement constitué par l'enfer. Et il y a eu lentement des plans purgatoriels extrêmement débiles. Et lentement, au fur et à mesure de l'évolution de la conscience chez l'homme, eh bien, il y a eu une évolution de la conscience au niveau du ciel. Donc, la création de couches stratifiées plus évoluées du monde de la mort. Et on va parler des hautes sphères spirituelles finalement. Avant, on parlait du domaine spirituel et aujourd'hui, on va même préciser les hautes sphères spirituelles. Alors, les hautes, parce qu'il y en a qui sont plus vibratoires. Alors, lorsque dans l'Antiquité, la partie extrêmement évolutive de l'humain, c'est celle qui avait comme fonction de refroidir l'humain de façon à ce qu'il oublie sa connotation absolument intentionnelle, on pourrait dire divine, pour qu'il l'oublie de façon à ce qu'il accepte finalement et conditionnellement son rôle de terrestrifié, donc d'humain sur la planète, dans le but de pouvoir manipuler un corps physique jusqu'à un point d'évolution, à travers des millions d'années d'évolution génétique, pour que le corps physique, bref, que la matière, puisse supporter de l'intelligence. Alors, à travers cela, aujourd'hui, lorsqu'un être humain meurt, l'anti-homme ne peut pas gagner le monde de la mort. Pourquoi? Parce que la grande majorité du monde de la mort aujourd'hui ne contient plus d'enfer, du moins pas suffisamment. Et les phases purgatorielles sont beaucoup plus douces. Alors, normalement, une personne qui voit sa mort venir, normalement, ce sont les malades ou les personnes qui ont des prémonitions, mais normalement, une personne malade, une journée, deux jours ou trois jours avant son décès, elle va voir l'anti-homme l'acquitter complètement parce que l'anti-homme ne peut pas gagner le monde de la mort, donc il s'en désassujettit pour aller chercher un enfant qui va naître quelque part et il se pogner avec. Et la personne devient, deux, trois jours avant sa mort, extrêmement calme, béatitude, elle est bien. Alors là, on va dire, elle a accepté la mort. Ça va de soi. Pourquoi? Parce qu'il ne reste dans elle que les parties qui vont avoir accès au monde de la mort. Donc, qui nécessairement ont accepté la mort, n'ont pas le choix. C'est des parties constituées par le monde de la mort. Tandis que la partie anti-homme, celle qui résiste, va quitter. Et là, la personne se sent bien. Normalement, même dans un accident d'automobile, on peut avoir ce genre de phénomène où l'anti-homme va libérer l'individu avant. Mais il faut que l'accident soit suffisamment, mathématiquement extrapolé. Il faut que ça puisse être prévisible par un cartomancien ou un voyant. Sinon, ce qui va arriver à une personne qui a une extra-conscientisation extrêmement rapide, on peut parler d'une mort par accident, une mort instantanée, eh bien, l'individu va rester un grand bout de temps autour de son cadavre, autour de l'équipe médicale, autour de l'hôpital, autour de la maison, parce que l'individu ne sait pas qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de conscientiser le fait qu'il mourait. Et la conscientisation du fait qu'on meurt, c'est l'expulsion de l'anti-homme. Donc, l'individu va rester fantomatiquement présent dans le monde moronciel, qui est le monde de la vie sans le corps physique, Et en haut, il y a le monde de la mort. Il n'est pas encore attiré par lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore soudé à son anti-homme. Étant soudé à son anti-homme, il a un poids trop pesant du point de vue physique, donc il ne peut pas être expulsé vers le haut par les couches plus pesantes que lui parce que le poids est trop pesant. C'est comme un morceau de métal dans l'eau, il descend le fond de l'eau. Si tu remplis le morceau de métal d'air, bien, si l'eau est plus pesant par volume que le métal va flotter. C'est l'idée même d'un bateau en acier. Alors, donc, il reste planté au niveau du monde vivant. Et il essaie d'entrer en communication avec les vivants parce qu'il ne sait pas encore qu'il est mort et l'anti-homme refuse de savoir. Lentement, l'énergie vitale qui permet la structuration, disons, de ce fantôme, de cette entité fantomatique, va lentement être désagrégée par la friction avec le monde vital. Et il y aura une séparation après 2-3 jours, aller jusqu'à 150, 200 ou 300 ans, entre l'anti-homme et la partie homme. Et là, il y aura mortalité. La partie homme va gagner le monde de la mort et la partie anti-homme va se réincarner. Excuse-moi, l'énergie vitale qui tient disons, cette forme fantomatique ensemble, est-ce que c'est l'énergie vitale de la personne qui avait un corps physique qui vivait? Est-ce que c'est l'énergie vitale de son corps physique. Et normalement, bon, voyez-vous, c'est que si on fait incinérer un individu, immédiatement on libère l'anti-homme, donc l'individu qui ne sait pas qui est mort, meurt. Et c'est pourquoi il y a des peuplades à caractère religieux, en l'occurrence l'Inde pendant longtemps et d'autres peuplades, les Amérindiens entre autres, brûlaient le corps physique plutôt que de l'enterrer. En l'enterrant, il y a des religions qui sont beaucoup plus satanéennes. Pour ne pas dire sataniques dans le sens mauvais, mais sataniennes reliées aux conditions de terrestrification de l'être humain et qui, eux autres, prescrivent d'enterrer le mort. En enterrant le mort, il y a deux conditions. Premièrement, il y a certains morts qui vont être enterrés et qui vont être cristifiés, c'est-à-dire pas cristifiés, mais cristallisés, pétrifiés. Et nécessairement, l'individu reste fantomatiquement présent pendant longtemps. C'est d'ailleurs ce qui a amené certains pharaons à vouloir se faire momifier, de façon à ne pas gagner le monde de la mort pour devenir plus ou moins immortel sans avoir à se réincarner. Bouddha avait déjà expérimenté le phénomène que le problème de l'être humain, c'est qu'il mourait, réincarnation, mort, naissance, mort, naissance. Si tu arrives à te fixer entre les deux, il n'y a plus de souffrance, plus de problème. C'est vrai, mais tu n'existes plus. Alors, les pharaons, donc, se faisaient momifier. On a des êtres humains qu'on enterre, et le temps qu'ils sont enterrés, eh bien, ils peuvent encore nous servir. Donc, on a des religions terrestrifiantes qui ont obligé l'humain à enterrer leur mort, et pendant le temps que le mort était enterré, on pouvait le têter. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer à bénéficier d'une grande partie de son énergie de présence pour nous permettre à nous, égaux, petits égaux humains, d'avoir le temps de s'adapter au changement tout en continuant à sentir la présence de l'autre. Et puis finalement, on sent moins en moins sa présence, mais il reste au niveau de nos mémoires, mais on sent moins sa présence parce que le corps est maintenant pourri. Alors, on avait ce phénomène du têtage. D'ailleurs, le phénomène du têtage a donné aujourd'hui le phénomène de l'exposition. Une personne qui est morte, eh bien, on l'expose. Et puis là, on va la têter une dernière fois. Et puis lorsqu'on l'a suffisamment têté, eh bien là, on l'accompagne tout vêtu de noir. Lui, il s'en fout, mais c'est nous autres qui sommes en deuil, parce qu'on la perd, on perd cette entrée d'énergie. Et puis là, on la met en terre. On la met en terre avec un rayonnateur d'énergie vers l'extérieur, c'est-à-dire normalement une croix ou encore une pierre tombale, mais j'ai quelque chose de naturel. Les pierres de métal sont rarement acceptées, c'est-à-dire les trucs de métal. Normalement, ça sera du bois, du marbre, de la roche, une pierre tombale plantée dans le sol au-dessus de la tombe, qui normalement doit être en bois, qui est un rayonnateur d'énergie. Et de cette façon-là, de temps en temps, normalement aux dates de décès, lorsque le phénomène akashique planétaire se rappelle donc de l'événement, il le revit un peu à ce moment donné-là, eh bien on va se recueillir sur la tombe et on va encore têter un peu. Bon, à un moment donné, évidemment, les cercueils ont été faits pour empêcher les animaux de bouffer. Pourquoi? Parce que si l'animal mange le cadavre, même les vers de terre, avant qu'un ver traverse un cercueil de chêne, il faut le faire. Alors, pour que les animaux, si l'animal mange le cadavre, nécessairement, il assimile à lui l'énergie du corps physique et il coupe carrément le contact entre le monde de la mort et l'individu. Alors, on ne peut pas le têter. Quand je parle têter, pour bien des gens, c'est lui rendre hommage, l'aimer, etc. Mais en réalité, c'est un têtage. Bon, ce n'est pas grave, mais c'est le phénomène, on va chercher de l'énergie. Ça nous motive, ça nous booste, hein, ça nous survole. Alors, donc, toute cette cérémonie funèbre qui est engendrée par les forces d'involution, qui sont des forces d'évolution finalement, mais qui, pendant un laps de temps de l'évolution de l'humanité, on devait terrestrifier les gens. Alors, ils ont été terrestrifiés jusqu'à être enterrés. Bon. Lorsque l'être humain, donc, vit ce genre de phase, eh bien, il reste un bout de temps au niveau de son corps physique, surtout si on va à une exposition, bien, nécessairement, lui avec, il vient nous voir. Hein? D'ailleurs, le corps physique est présenté là justement pour obliger la présence du défunt. Même si ce n'est pas ce qu'on pense, mais on met la photo, on l'organise beau, on oblige la présence du défunt. Et là, on vient, pourquoi on pleure devant lui? Bien, c'est parce qu'il faut quand même qu'il se rende compte qu'on souffre. Hein? Quand on vient rire devant lui, le défunt, le monde de la mort, ça ne le dérangera pas, mais pour notre conscience à nous, c'est compliqué. Alors, il y a donc, encore une fois, le phénomène du fantôme qui peut durer un laps de temps. Et c'est pourquoi souvent on disait, après une mort, ben, on ne doit pas enterrer le corps avant 3 jours. C'est qu'en réalité, le corps vital à l'époque, étant donné la densification des corps physiques, nous sommes beaucoup plus subtils aujourd'hui, la densification des corps physiques faisait que le corps vital ainsi que l'anti-homme et l'âme prenaient un laps de temps avant de sortir du corps physique pour se séparer et gagner le monde de la mort. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, disons, si on parle du Québec, entre autres, ou de la partie nord planétaire de notre planète, eh bien, un individu peut être incinéré dans l'heure qui suit sans aucun problème, certains même dans les minutes qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un anti-homme qui est très pesant, mais ils ont une partie amique, disons, céleste, du monde de la mort, très subtile, très évoluée, et la scission se fait presque instantanément, donc l'individu gagne le monde de la mort immédiatement. C'est pourquoi, bien souvent, on va avoir plus de facilité à entrer en contact avec une personne âgée qui est morte par exemple, des systèmes de voyance qu'avec un jeune, parce que la personne âgée, étant donné qu'elle provient d'un laps de temps biologiquement plus reculé dans le temps, alors elle restera plus présente au contexte planétaire que le jeune qui, finalement, ne se suicide peut-être pas tout le temps, mais s'il meurt, il décolle vite. Alors, on a cette structure-là au niveau du monde de la mort, donc l'anti-homme. Quand tu dis « il décolle vite », de quelle partie tu parles de l'anti-homme? Bon, l'anti-homme décolle immédiatement parce que l'anti-homme déjà souffrait énormément d'être au contact d'une partie amique extrêmement évoluée, ce qui arrive souvent chez l'être humain qui se conscientise. Il est toujours pris entre deux feux majeurs où il est toujours en train de se battre. Alors, si le corps physique est plus là, ben je t'assure qu'eux autres, ils ne restent plus non plus. C'est le corps physique qui les oblige à rester ensemble. Et toute la lutte de l'évolution conscientisante d'un être humain, c'est justement l'expulsion de son anti-homme à l'extérieur de lui, ce qui engendre une phase initiatique relativement élevée, où l'être humain voit son double anti-homme à l'extérieur, et il doit l'affronter suffisamment longtemps pour que l'anti-homme soit obligé de regagner, soit de s'incarner à l'intérieur d'un autre individu, ou d'être carrément transmué énergétiquement et fusionné du point de vue énergétique vital, mais plus sous consistance d'anti-homme, par celui qui, initiatiquement, l'a rejeté. Alors ça, c'est un phénomène. Donc, le jeune, lui, ben là, c'est le corps physique et puis là, pour le maintenir, c'est pas long. Les jeunes, aujourd'hui, un jeune qui est relativement intelligent, s'il a un accident relativement grave, il faudra quelqu'un de très puissant pour parler à son âme si on veut le réanimer. Sinon, il ne sera pas réanimable, même si le corps est réanimable. Pourquoi? Parce que le jeune, il décolle tout de suite. Quand tu parles de très puissant, tu parles puissant. Je parle d'un plus ou moins initié, qui est capable, qui a une complicité télépathique avec le jeune, et qui est capable de faire comprendre l'intelligence aux jeunes de revenir. Puis comme normalement un jeune nouveau, un enfant nouveau, ne voit pas tellement d'intelligence à revenir, des fois qu'il n'en voyait pas de rester. Quand il ne voit pas l'intelligence de revenir, c'est parce qu'il voit d'autres choses, Daniel. Il peut comparer, non? Non. C'est que tout ce qui, l'enfant nouveau, tout ce qu'il peut comparer, c'est que là-bas, il y a un trou, il ne sait pas ce qu'il y a là. Mais ici, il n'y a pas de trou, puis il sait ce qu'il y a là. Alors, il prend la chance de voir ailleurs. Il est attiré vers cette chance. Même l'homme ancien est attiré, mais l'homme ancien est attiré en souffrance. Il pleure, il est déchiré en deux morceaux. La déchirure, en réalité, de l'homme ancien qui meurt, c'est simplement l'anti-homme qui n'a pas encore quitté la partie homme. Lorsque c'est déchiré complètement, il n'y a plus de souffrance. L'anti-homme regagne le plan matériel satanéen. Et l'homme, la partie mémorielle qui mémorise les contacts avec l'intelligence ou l'esprit, gagne le monde de la mort pour le nourrir et le faire évoluer. La déchirure se fait pendant un laps de temps. Ça, c'est le corps physique, si tu parles. Non, la déchirure, c'est entre l'anti-homme et l'homme, à l'intérieur du corps physique, et bien souvent, si le corps physique est relativement abîmé, soit par le vieillissement, la maladie ou l'accident, eh bien, il y aura une déchirure très limitée pendant quelques secondes à quelques minutes chez une personne qui apparemment meurt. Mais c'est le corps physique en réalité qui s'en va. OK. À ce point-ci, là, est-ce qu'il y a une différence avec un jeune corps qui meurt au niveau des cellules dont des atomes qui deviennent, qui se promènent dans l'atmosphère, comme tu as mentionné tantôt, qui rejoignent le monde de la mort, et un corps âgé? Non, au niveau de l'expérience inidentifiée du phénomène atomique, c'est exactement la même chose. C'est une expérience d'un corps structuré, complexe, croissant, qui simplement finit par décroître, qui se déstructure, puis qui se décomplexifie, donc pourrit. C'est le même phénomène. Ça, c'est la matière, mais ce qui est contenu… Au niveau du monde de la mort, il y a l'expérience différente. C'est ça. Est-ce que le corps qui est le plus âgé apporte plus à Non, c'est le corps le plus jeune qui apporte plus. Parce que les cellules sont plus fortes. Exact. Parce que l'énergie est plus forte. L'énergie est plus forte, et puis en plus, toute la structure du monde de la mort. Le monde de la mort sait très bien que la seule condition qu'ils ont pour arriver à se sortir de leur problème, c'est la vie. Lorsqu'un jeune meurt, il y a toujours une projection. Lorsqu'un enfant vient au monde, il y a une projection massive de mémoire réincarnationnelle qui se dirige vers un canal réincarnationnel de façon à incarner, à créer l'ego dans l'âme de l'enfant qui est en train de qui va naître, du moment qu'un spermatozoïde touche un ovule. Et de toute façon, le canal est installé par le biais des deux parents. Par la suite, la mère monopolise ce canal. Et finalement, lorsque l'embryon devient un fœtus, lorsque le fœtus devient un bébé prêt à naître, eh bien, le bébé va monopoliser, il va commencer à monopoliser le canal, et vers 2-3 ans, il aura monopolisé le canal. Du monde de la mort, ça se garoche pour se réincarner parce qu'il y a un espoir total de vie. Lorsqu'un jeune meurt, eh bien, il y a une espèce de refus total au niveau du phénomène réincarnationnel dans le monde de la mort. Donc, ça crée, du point de vue du monde de la mort, on pourrait dire du point de vue humain, une frustration majeure. Et une personne âgée, eh bien, vu que c'est déjà mathématiquement prévu qu'elle va mourir et que le corps physique n'étant plus expérientiellement plaisant pour l'ego qui est dedans, la personne, finalement, lorsqu'elle arrive à 80 années, se maquille presque plus. Enfin, elle se maquille mémoriellement, mais physiquement, elle sait très bien qu'elle n'a pas un corps de 20 ans, ce qu'elle aimerait avoir. Elle va se faire remonter le visage quand ce n'est pas le reste du corps au complet. Alors, nécessairement, la personne qui meurt, tout le monde astral, tout l'ego complet n'a pas besoin de ce corps-là, donc il n'y a pas de frustration. Okay. À ce point-ci, moi, je perçois dans ce que tu dis là, que c'est, disons, la vie qui anime la cellule en arrière, étant jeune, il y a plus de vie. Alors, le corps vital. Il y a plus d'espoir du monde astral dans le corps jeune. Ce n'est pas le corps vital qui joue la différence. Non. Ah, ce n'est pas le corps vital. Il y a plus d'espoir, c'est-à-dire que quand un jeune meurt, ça fait un remous plus puissant au niveau du monde de la mort. Et c'est pourquoi je dis que c'est plus évolutif pour le monde de la mort. OK. Mais est-ce que c'est moins évolutif pour le monde des vivants? On revient plus tard. Là. Mais lorsque, tantôt tu as mentionné que les animaux mangent, disons, le corps physique, si on prend par exemple les individus qui meurent en mer et puis qu'on ne peut pas conserver aujourd'hui. On ne peut pas les têter non plus. Non, justement. Alors, on les envoie à la mer, les requins arrivent, ils les bouffent. Quelle différence y a-t-il à ce moment-là, ce corps physique-là qui vient d'être bouffé par les poissons et le corps physique qui est exposé pendant 3-4 jours? Donc, pour l'individu qui meurt, du point de vue de l'expérience amique, du point de vue céleste planétaire, l'individu qui est immergé, donc qui est jeté à l'eau, va aider plus rapidement l'évolution planétaire que celui qui va être exposé et enterré. Plus vite le corps physique est détruit, plus vite l'âme est libérée, plus vite l'expérience amique vient aider le monde de la mort. Alors, si on regarde par exemple Krishnamurti, ou si on regarde d'autres personnages extrêmement intéressants, même s'ils ont un double éthérique, il reste une partie égoïque qui les habitait, et nécessairement, plus vite ça gagne le monde de la mort, plus vite une partie hautement spirituelle vient te mettre de l'ordre d'en haut. Donc, ça avance l'évolution de l'humanité plus rapidement. Tandis que si on l'expose, eh bien, il y a un gros problème. Exposer un individu, donc on va le têter, on risque de ramasser énormément de mémoire, donc on peut l'obliger à se réincarner immédiatement chez nous, hein, comme René Lévesque a été s'est réincarné dans quasiment la majorité des Québécois, parce que les Québécois ont été têtés au coton, et ça l'a donc revivé un peu la fleur du séparatisme, parce que René Lévesque habite plus de monde, donc évidemment les gens ont repensé un peu. Le temps que ça prend aux gens pour digérer ce phénomène réincarnationnel, et la flamme va s'éteindre lentement un petit peu après. Bon, mais il y a toujours un regain. Alors, si René Lévesque aurait été immergé, puis un requin, le vidangeur de la mer l'aurait bouffé, eh bien, on ne l'aurait pas têté. Il aurait gagné le monde de la mort. Et puis là, il aurait pu instruire dans le monde de la mort tout ce que lui était en tant qu'être humain, en tant qu'être ce qu'il était. Et nécessairement, ça crée un phénomène évolutif relativement intéressant du point de vue du monde de la mort. Et ça permet à ceux qui se réincarnent d'avoir une expérience plus pure que ceux qui l'ont digéré de leur vivant. Si je comprends bien, plus l'individu est puissant de son vivant, plus il risque d'être têté après sa mort. C'est pour ça que les initiés se sont toujours poussés pour mourir. Si on prend John F. Kennedy, qui est encore têté, je pense. Ah ben, prends Elvis Presley, il est pressé, bien. Ils ont dit le mot Presley. Regarde les Amérindiens. Les Amérindiens étaient proches du contact naturel parce qu'ils avaient des égrégores relativement intéressants. Très proche des phénomènes de lutins ou de farfadets, de gnomes, etc. Et lorsque une personne, un vieillard, ou etc., un sage, un grand chef ou un sorcier, désirait mourir seul, eh bien, on le respectait. On allait le conduire dans la forêt, sur une montagne, n'importe où. On y amenait de la nourriture si c'était nécessaire, et puis on le laissait mourir en paix. Ça veut dire quoi, mourir en paix? Ça veut dire que tu meurs sans être têté. C'est ça, mourir en paix. Sinon, tu meurs devant tout le monde, on te tête, même mort, on te tête encore. Quand le vieux était mort, eh bien, on allait le chercher et on l'incinérait. Et puis, pourquoi c'était préférable? Pour la simple raison que du point de vue d'un peuple, c'est plus efficace d'envoyer quelqu'un dans le monde de la mort. Pourquoi? Parce que se mélangeant par digestion au phénomène réincarnationnel dans l'égrégore même du peuple, Eh bien, ce grand chef va se réincarner plus régulièrement dans peut-être 2, 3, 4, 30, 50 ou 100 enfants. Se réincarnant plus régulièrement dans une centaine d'enfants, eh bien, tu augmentes énergétiquement le potentiel évolutif de toute une partie de la génération qui va suivre, ou de celle qui va suivre. C'est donc plus évolutif de prendre un maître et de l'enterrer, de le laisser mourir loin dans son coin. Aujourd'hui, on donnerait une vidéo, on donnerait quelque chose de même, au lieu d'y amener des bœufs, du bœuf. Et puis, il pourrait mourir en paix, puis après ça, on l'incinérerait. Ce serait préférable que de le ramasser de son vivant, parce qu'il n'a pas le temps de colorer ce qui descend chez nous. Okay. Si on prend, Daniel, l'exemple que tu viens de donner avec le grand chef, qui pluralitairement se réincarne dans une centaine d'enfants, quelles sont les parties de l'individu qui se réincarne? Est-ce que seulement que la partie cellularienne qui est formée de l'atome, qui provient du corps physique, ou s'il y a aussi, si elle est accompagnée de l'énergie vitale de l'individu, de l'énergie astrale? Bon, l'énergie vitale, à un certain taux de vibration, de réchauffement, est capable de conserver, pas juste la mémoire matérielle, mais est capable de conserver la mémoire d'un mouvement, mémoire événementielle. À un degré plus réchauffé encore, l'énergie vitale est capable de conserver en mémoire la mémoire de la mémoire d'un événement. Donc, il est capable de conserver la mémoire d'un concept. Et on appelle cela donc la mémoire psychologique. Et c'est ce qu'on appelle, du point de vue ésotérique, l'astral. Alors, on ne parle plus d'énergie vitale, on parle d'énergie astrale. Comme lorsque la glace bouille, eh bien, on dit c'est de l'eau bouillante, on ne dit plus c'est de la glace. Bon, mais c'est la même chose, mais on a des noms différents. Alors, dans le monde de la mort, ça reste de l'énergie vitale, mais à un niveau de vibration relativement plus haut. Et lorsque le grand chef meurt, il gagne le monde de la mort de son égrégore. On a déjà expliqué qu'on baptisait pour cela, c'est-à-dire que le nom de baptême est le canal réincarnatif. Donc, lorsqu'un être humain vient au monde, disons, prenons l'exemple de l'Église catholique romaine, où on pourra le paralléliser avec les Indiens, certaines tribus d'Indiens, certaines nations, évidemment, pas tous. Lorsqu'on a la naissance d'un enfant, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est de lui donner un nom. On le nomme parce que le nom est la clé qui va permettre au canal réincarnationnel de se souder à l'être humain. Et il y a toujours des égrégores religieux, c'est-à-dire des égrégores astrales, des égrégores qui prêtent de la substance astrale pour engendrer un âme. Lorsque moi je suis venu au monde, eh bien, le monde de la mort a prêté de la substance astrale, qui était la réincarnation de l'amiral Nelson, une partie de l'amiral Nelson britannique, une réincarnation de certaines parties mayas, réincarnation de parties amérindiennes, parce que j'avais dans le corps physique du sang amérindien de par une arrière-grand-mère. Et tout cela mis ensemble, j'ai du sang royal de France, parce que du côté de ma famille, du côté de ma mère, etc., c'était des rois qui ont fui à un moment donné vers le Québec. Et ça permet donc du monde de la mort, ça donne une réincarnation pluralitaire qui me constitue. À l'instant où je viens au monde, eh bien, la religion prescrit de me donner un nom, même un nom temporaire. Mais le nom qu'on va me donner restera un nom associé à l'égrégore qui prête ses sources. On ne pourra pas m'appeler Isaac, parce que le monde de la mort qui prête la substance astrale va me constituer ne provient pas d'un égrégore juif. Par contre, il provient d'un égrégore à caractère chrétien ou catholique romain. Et le terme Daniel, qui est un prophète catholique romain, enfin dans la tradition, se prête bien. Alors, on me donne un nom. Le nom vient certifier le canal, donc tout ce que je vais vivre va nourrir ce monde de la mort qui m'a mis au monde, du point de vue de l'âme. Donc, je pourrais dire, je viens du ciel, du point de vue de l'âme. Du point de vue de la conscience, je viens des cieux. C'est comme tous les humains. Sauf que l'humain, présentement, a une conscience plutôt amique, et il parle donc de Dieu dans le ciel, qui est l'égrégore, qui est l'ego de l'égrégore qui l'a créé. Lorsque j'ai un nom, donc Daniel, eh bien, on va placer un autre nom, qui peut être, par exemple, Albert, ou qui peut être Roméo, qui peut être Charles. Un autre nom qui vient simplement confirmer mon accréditation, mon égrégore. Et on va placer le nom Kemp. Pourquoi? Parce que c'est le nom de mes lignées familiales, de façon à ce que les lignées familiales qui se réincarnent chez moi à travers un paquet de mélanges puissent aussi bénéficier de la nourriture que je pourrais leur apporter lorsque je pourrais mourir ou lorsque j'émets de l'émotion simplement, parce que comme ça se réincarne 24 heures sur 24 chez nous, c'est pourquoi on est souvent perdu, mais on nourrit aussi 24 heures sur 24 le monde de la mort, donc le ciel qui nous a créés, surtout lors de notre fête de naissance, lors de notre anniversaire, c'est pourquoi on fête, hein? Faut que tu joues sans masque pour que tu nourrisses. Bon. Et donc, on te fête là. Ce sont des traditions intéressantes, traditions religieuses. Et lorsqu'on place Kemp, le deuxième nom, Daniel, Pour être sûr, l'Église catholique place le nom Joseph sur quasiment toutes les mâles, les maris sur toutes les femelles, de façon à ce que, de toute façon, tu nourrisses ce monde de la mort-là et pas le monde de la mort bouddhique ou le monde de la mort d'autres ethnies. Alors, l'Amérindien, c'est la même chose. Lorsque l'enfant arrive au monde, on lui donne un nom. Mais un nom typique du langage, premièrement, le nom, on le donne dans la langue qu'on parle. La langue étant l'expression de la perception par la constitution astrale, vitale et physique d'un être humain, du monde dans lequel il est placé, la langue est importante. Alors, si je t'appelle Windingo, bien nécessairement, on fait référence à un dieu, mais enfin, je t'appelle Dingo tout court. Alors, je te baptise avec un nom de la langue amérindienne dans laquelle je suis, de la nation et de l'ethnie dans laquelle je suis placé. Lorsque je t'ai baptisé à ta naissance, si tu meurs, tu vas nourrir ce monde de la mort-là, on ne perd pas de substance. Et c'est pourquoi l'Église catholique dit justement que le père peut baptiser un enfant, et c'est l'unique fois où le baptême est accepté par l'Église, et si l'enfant est mourant, en train de mourir, mort-né. On parle de vieillir, maintenant c'est l'hôpital qu'on va, mais même là, l'homme peut baptiser, et c'est le seul temps, parce que l'enfant qui vient au monde, c'est pour mourir, il va aller dans un égrégore vide, un égrégore libre, qu'on appelle, en tout cas, des termes qu'on peut passer, mais des termes qui sont catholiques. Mais ça ne fait pas partie de l'égrégore catholique. Alors, baptise-les avant qu'ils partent, de façon à ce qu'ils retournent là d'où ils viennent. Parce que Dieu, en haut, l'ego là-dedans, il ne tient pas à perdre ce qu'il te donne. Hein? Il te prête, mais il ramène. Alors, si on regarde au niveau d'Amérindien, bien, rendu à un certain âge, on rebaptise l'enfant qui devient maintenant un être humain. Parce que chez beaucoup d'Indiens, beaucoup de nations indiennes à l'époque, avant qu'on leur donne de la 50 et de la Molson, là. Bon, ces Indiens-là, l'enfant venait au monde et l'enfant était un animal. Il n'était pas accepté comme étant un être humain. Donc, si on regarde Apache, ou si on regarde Inuit, qui veut dire homme, Apache, homme qui marche debout, etc., parce que ça veut dire homme, eh bien, l'enfant qui vient au monde n'est pas un Apache, n'est pas un Comanche. Et rendu à un certain âge, eh bien là, on va le totémiser, c'est-à-dire qu'on va lui donner un nom qui est en affinité avec la structure religieuse de la tribu, et là, il pourra devenir possiblement un être humain. Et en haut de l'être humain, il y aura possiblement le chasseur, ou le guerrier. Et il y aura par la suite le sachem, le chef. Il peut y avoir aussi le sorcier, à un moment donné, les hiérarchies se divisent un peu. Et donc, l'homme médecine, l'homme miracle, etc. Alors, il y a des hiérarchies que tu vas chercher nécessairement au niveau de ta mort. On te traitera en fonction de la hiérarchie, parce que tu vois dans une particularité du monde de la mort. C'est donc important de baptiser convenablement, ça donne le nom. Lorsque l'être humain a un âme, donc lorsque tu gagnes le monde de la mort, lorsque ça se réincarne pour constituer un être humain, on parle encore de notre grand visou, le chef. Eh bien, le chef lui-même se mélange, il est dans une sphère comme nous autres, ce sera, si ton nom est catholique, ce sera la sphère catholique. Si tu te rebaptises d'un nom nouveau, ce sera dans un égrégore où il y aura eu des êtres nouveaux qui peuvent être absolument stupides et comme extrêmement intelligents, mais des êtres qui font partie de ce qui est refusé des égrégores, un nom qui n'appartient pas à un égrégore. Et donc, ce sachem lui-même étant confiné dans un égrégore, eh bien, sa mémoire elle-même se dilue. Tout ce qui est en affinité avec les tipis ou les wigwams dépendant des nations se colle à ça. Tout ce qui est en affinité avec la chasse rejoint la mémoire de tous les chasseurs de la tribu génétique, donc depuis que la tribu existe. Tout ce qui fait partie de la sagesse rejoint tous les sages, alors ça rend plus sages les sages. Tout ce qui fait partie de la guerre rejoint les guerriers, ça rend plus belligérants les guerriers, ou si c'est très peu, ça les rend moins belligérants. Et il est comme ça digéré à travers toutes les différences, les nuances du monde de la mort, de son égrégore. Lorsqu'il se réincarne, et bien à un moment donné, il y a un corps physique qui vient au monde, une génétique particulière, qui, selon la constitution de son cerveau et de son système endocrinien, hein, un système endocrinien qui exprime énormément les émotions, eh bien, ça attire du monde de la mort, des mémoires qui ont besoin d'un corps pour triper au bout. Un corps physique qui va exprimer la sagesse, ça attire des égrégores, la fusion des sages, qui vont venir à l'intérieur, et lentement, ben, l'enfant deviendra peut-être taureau assis, un sitting bull, qui était un sage, un taureau fonceur assis parce qu'il réfléchissait. Bon. Et on a donc une réincarnation extrêmement mixée. Et finalement, notre chef, comme Sitting Bull, par exemple, ou Geronimo, qui était l'antipode de Sitting Bull, de Cochise, entre autres, vont se réincarner dans le même lot et ça va créer des enfants qui vont avoir un peu de Cochise chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont apaches. Ils auront un peu de Geronimo. Pourquoi? Parce qu'ils sont apaches. Et peut-être, après un laps de temps, ils auront un peu d'alcool parce qu'ils sont apaches. Est-ce que tout ça est régi par le taux vibratoire individuellement de chaque partie qui vient créer l'être? Oui, c'est que l'être humain est exactement comme un constituant où on a différentes densités d'huile mélangées et les densités d'huile sont colorées. Alors, si on pose le contenant stable, lentement, on peut voir l'huile la plus pesante aller au fond, et puis lentement, on voit, bon, si c'est des couleurs différentes, on va voir, disons, le vert, le bleu, le rouge, on peut tout les discerner. Mais si on prend le contenant, on le met dans une centrifugeuse, qui se met à tourner? Ou simplement, on la met à ronde, on la met dans un jeu, là. Bon, il se met à tourner, là. Bon, mais là, si on sort le pot de là, il y a une couleur dedans qui va peut-être être le noir, ou le brun, si on mélange les couleurs. C'est l'homme. Alors, l'homme, c'est un mélange total, où quand on regarde, on va dire, tu regardes ton pot, tu vas dire, ben voyons donc, il n'y a qu'une sorte d'huile là-dedans, c'est brun. Mais si tu le reposes, s'il devient sage, s'il se repose, et normalement, il devient sage lorsqu'il meurt, parce qu'il n'y a plus l'expérience de la vie pour faire bouger l'ego régulièrement. Alors, dans le monde de la mort, lorsqu'il gagne le monde de la mort, lorsque le pot monte là-dedans, l'huile bleue, disons, qui est dans le fond, reste dans le fond. Mais là, ça mélange à toutes les huiles bleues qui sont dans le fond. Ça crée de l'huile bleue dans le fond. Mais là, tout ce qui constituait l'humain, disons la partie colérique de l'humain, eh bien, il ne peut plus se rappeler qui il était. Il est carrément mélangé avec tout ce qui est colérique au niveau de son égrégore, donc du monde de la mort. La partie bleu pâle, la partie verte rouge, tout ça au complet va lentement se désagréger pour se faire digérer. On appelle cela le purgatoire, la phase purgatorielle. Et l'être humain qui meurt n'a jamais vécu. Bon, ça c'est évident. Un être humain qui perd son corps physique, il n'est pas mort. Un être humain qui gagne le monde de la mort meurt. Et là, on peut dire qu'il n'a jamais vécu, pas en tant qu'individu. En tant qu'expérience planétaire, oui, mais pas en tant qu'individu. Dans ce monde de la mort, cet être humain ne peut donc pas regarder la Terre et puis dire, bon, bien, je vais choisir mon prochain corps, parce que cet être humain-là n'existe plus. Toi, si tu gagnes le monde de la mort, si tu te forces énormément, là, si tu gagnes le monde de la mort, eh bien, après quelques temps dans le monde de la mort, eh bien, Jacques Dussault n'existera plus. C'est comme si chaque lettre J est partie par là-bas, le A est parti par là-bas, là. Puis plus rien. Voilà. Alors, il n'y a plus rien. Par contre, le monde de la mort contient toutes les lettres du nom, donc contient toutes les parties créatrices de l'identité qui était l'individu sur le plan planétaire, et l'individu, le contenant, c'était son corps physique. Si tout est là, est-ce que l'on peut le reconstituer? On peut le reconstituer en orchestrant des choses. Premièrement, on va juste expliquer brièvement comment ne pas aller dans le monde de la mort, comment ne pas mourir. Okay. Avant d'aller là, Daniel, j'aimerais revenir sur une autre chose. Avant de pas y aller. Avant d'aller sur ce terrain-là, je voudrais dire, j'aimerais, juste pour clarifier, là. OK, corps physique, corps vital, corps astral, corps mental et corps demi-supramental. Demi-corps supramental. Bon. Quelle place va chacun individuellement? C'est facile, le corps physique dans le plan physique, le corps vital dans le plan vital, le corps astral dans le plan astral, le corps mental dans le plan mental, le corps supramental dans le plan supramental. OK. On va passer à l'autre étape. OK. Élabore brièvement la différence. Ou ce que tu as expliqué tantôt, que la mémoire du... C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Le corps physique meurt, il pourrit, puis finalement il revient en plante. Quelqu'un, l'animal bouffe la plante, l'homme bouffe. Finalement, le système moléculaire organique de l'homme reste au niveau organique. Il est divisé, ça recrée des corps. Mais il y a une partie mémorielle qui s'en va et sert à quelque chose à quelque part. La partie mémorielle s'en va transporter de l'énergie, mais la partie mémorielle est carrément détruite sous forme de mémoire lorsqu'elle gagne l'endroit où elle va. C'est-à-dire que le corps physique, dans le monde astral, ne peut pas être digéré, donc il est mémoriel. Et quand tu le plantes dans la matière physique, il est digéré ou bouffé rapidement, donc il perd sa mémoire. Non, le corps vital, lui... Lorsqu'il y a réincarnation, tu parles, là. Non, lorsqu'il y a mort. La mémoire est totalement perdue après la digestion. Autrement dit, tu ne peux pas prendre une molécule de carbone du corps physique d'un être humain qui est mort, puis là, la placer dans l'air et attendre que toutes les molécules qui en faisaient partie un jour viennent se grouper dessus. Et ils ont tout oublié. Par contre, sur la puissance de recréer le corps, tu vas recréer à partir de la matière la plus proche, mais pas nécessairement à partir de la matière qui l'a déjà constituée. Mais rappelle-toi que quand tu manges une pomme, tu digères la pomme. Quand tu vas excréter des morceaux, c'est des parties du corps qui s'en vont aussi. Et finalement, on n'a pas besoin pour conserver un corps physique d'avoir les mêmes minéraux et les mêmes atomes. Donc, la matière passe au travers de nous autant qu'on passe au travers d'elle, par l'alimentation, entre autres. Le corps vital, lui, lorsque tu meurs, le corps vital, il y a une partie qui est yinique, c'est-à-dire qui est terrestrifiée, qui est tellurique, qui reste au niveau de la matière et qui reste là, soit qui part dans la combustion, soit qui est simplement digéré par la terre, c'est enterré, ou la glace, ou l'eau. Il y a une partie du corps vital qui est solaire, qui est yannique. C'est cette partie-là, surtout, qui va constituer l'enveloppe périsprétique de l'âme, et c'est elle qui va monter dans le plan morontiel, surtout. Alors, lorsqu'elle monte dans le plan moronciel, cette partie-là ici, la partie périsprétique ionique, c'est elle qui maintient l'antium. Et normalement, l'antium décolle avant, l'individu, des fois mourant, des fois mort, même s'il est vivant. Il a les yeux au bout, il est trippant au coton. Juste avant ça, il ne voulait pas pantoute parce qu'il y a eu la déchirure, c'est fait avant sa mort. Et c'est de plus en plus souvent. Un antium n'est pas puissant chez un enfant, donc l'enfant accepte facilement la mort. Est-ce que cette partie du corps vital qui s'en va dans le monde moronciel amène avec elle une certaine mémoire de l'être? Elle amène toute la mémoire identifiée de l'âme. Bon, le plan moronciel, c'est quoi? On a le plan matériel. On a l'endroit où il y a la vie sans corps physique. Une personne dont l'âme est dans le plan moronciel, si on peut travailler son corps physique convenablement, on peut réanimer la personne. Si elle gagne le monde de la mort, il faudra ressusciter la personne. Mais ce n'est pas les médecins qui vont arriver à le faire. Parce qu'après une demi-heure, on arrête. Ça prend ce que tu as mentionné tantôt. Oui, c'est ça. Alors donc, la personne, elle gagne le plan moronciel. Alors l'âme est là. L'âme pourrait réintégrer un corps. On a déjà parlé justement de... Là, on parle du corps vital. Là. On parle du corps vital, mais la le corps vital... qui constitue le périsprit l'âme, de l'âme. L'âme est dedans, okay. C'est ça. Bon, puis l'âme, elle a suivi cette partie du corps vital. Elle n'a pas le choix, elle est dedans. C'est la coquille de l'œuf, c'est le périsprit. L'âme, c'est le blanc et le jaune. OK. Alors ça s'en va dans le monde moronciel. C'est ça. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que là, il y a du monde de la mort, des particularités qui vont descendre, des mémoires akashiques, alors des choses qui sont en affinité avec l'âme disparue, l'âme de la personne qui est dans le plan moronciel. Or, ça peut être ses parents, son oiseau, son chien, ça peut être son crocodile, son alligator, et qui viennent lui dire, qui viennent lui montrer le chemin. Puis comme ce sont des parties périsprétiques du monde de la mort, donc des phénomènes éthériques, ils sont toujours lumineux. Il n'y a pas le choix. Vu que c'est des êtres lumineux et que toute l'éducation religieuse, spirituelle, planétaire de la majorité des humains les instruit toujours que l'ange est lumineux, que Dieu est lumineux, bref, que c'est de la lumière, que c'est de la pureté, que c'est sécuritaire, eh bien, lorsque ces phénomènes-là descendent, l'âme a une grande, grande tendance à y aller. Et c'est là qu'elle se suicide. En réalité, c'est là qu'elle se fait assassiner. Là, lorsque l'âme monte vers ce monde de la mort, attirée par ces bébites lumineuses-là qui viennent la chercher, grand-père, grand-maman, etc., ce sont juste des mémoires éthériques, ce ne sont pas les personnes. Les personnes sont déjà réincarnées, mais pluralitairement. Lorsqu'elle arrive et l'âme monte, l'âme touche le monde de la mort, eh bien, le périsprit de l'âme ne peut pas pénétrer le monde de la mort, ce n'est pas de la même énergie. Alors, le périsprit arrive, il touche l'enveloppe du monde de la mort, il s'ouvre. S'ouvrant, il libère l'âme à l'intérieur ainsi que les mémoires volatiles, ça rentre dans le monde de la mort. Mais là, vu qu'il n'y a plus d'enveloppe protectrice qui nous permet de constituer une identité sur le plan planétaire vivant, eh bien, toutes les parties maintenant, c'est comme une ampoule de fumée, que tu brises l'ampoule, et bien là, la fumée, dans le paquet de fumée, elle s'en va. Et là, tu es mort. Alors, pour ne pas y aller. Okay. Là, l'être meurt. L'être meurt. Oui, l'humain meurt. L'humain meurt. À ce moment-là, le corps vital, lui, il ne pénètre pas. Là. Non, il s'aplatit sur le périsprit. Puis c'est d'ailleurs lui qui va redescendre sous ta forme à toi, chercher le prochain qui va mourir que tu connais pour l'amener là avec. Pour l'aider. Pour l'aider à mourir. OK. Alors, c'est de l'énergie vitale qui vient s'accoler à d'autres énergies vitales qui sont, pour employer les termes qu'on utilise, mourants. Et ça va engendrer un phénomène, c'est que le monde, le périsprit du monde de la mort s'épaissit lentement et ça prolonge la vie des humains sans bénéfice. Et en même temps, ça, j'imagine que, selon l'exemple que tu as mentionné tantôt, lorsque le périsprit arrive avec une nouvelle âme qui est contenue à l'intérieur, étant plus épais, plus puissant, est-ce qu'il peut pénétrer le monde de la terre, le monde de la mort et passer à travers le monde de la mort? Bon, le périsprit ne le fera pas. Par contre, ce que tu dis là se fait, mais ce n'est pas le périsprit. L'individu de son vivant a un canal qui le relie au monde de la mort. Et 24 heures sur 24, ça se réincarne. Et il y a une mécanicité astrale que j'ai baptisée être contrôle qui ajuste ce qui rentre et ce qui sort. Bon. Lorsque l'individu vit, il nourrit le monde de la mort. C'est par son nom d'ailleurs. Hein? J'ai fait un séminaire sur la prière justement où c'était relativement clair. Quand les gens prient et ils ne se nomment pas, ben, ils mettent de l'énergie mais ils n'ont jamais rien. Normal. Puis quand quelqu'un, ça marche, c'est sûr que tu nommes son nom. C'est sûr que ça marche. Alors, on a un canal qui nous relie 24 heures sur 24 avec ce monde de la mort. Et lorsque notre âme, lorsque nous vivons, eh bien, tout ce que nous devons faire, c'est nous arranger pour mourir de notre vivant. C'est-à-dire que, présentement, toute la structure, l'âme sert à quoi? L'âme, bon, le périsprit de l'âme, il est corporel lorsqu'il y a fécondation. C'est-à-dire que c'est une enveloppe absolument matérielle, aussi constituant que le verre que j'ai ici. Lentement, du monde de la mort descend des mémoires réincarnationnelles. Et qu'est-ce qui crée le canal? Eh bien, c'est une partie de l'enveloppe des périsprits qui sont accolés là, une partie de l'enveloppe du monde de la mort et de l'énergie vitale, qui est étirée, le corps s'étire, il y a une scission, disons une soudure entre les deux, et là ça commence à pouvoir couler dans le corps physique, au fur et à mesure que le corps physique grandit. Plus le corps physique grandit, plus l'énergie vitale du corps est grandie, donc plus il y a de la place. Alors nécessairement, dans l'enfant, il n'y a pas d'ego, il n'y a presque pas d'âme. Et au fur et à mesure que ça grandit, ça marche. Vers l'adolescent, lorsque le corps physique commence à sécréter des hormones d'adulte, bien là, en haut, les mémoires d'adulte se poussent pour se réincarner. Alors, le jeune devient carrément perdu. On parle de crise d'adolescence. Puis là, il peut carrément changer de cap comparativement à ce qu'il était parce qu'il se fait posséder par des entités réincarnationnelles d'adultes. Parce que là, maintenant, il y a un corps d'adulte qui hormonalement les attire. C'est un adulte qui veut faire l'amour, va pas d'un enfant de 6 ans. Il va être foqué dans un corps qui ne pourra même pas rien exprimer. Alors, ça ne se réincarne pas là-dedans, c'est les mémoires d'enfant qui se réincarnent là-dedans. Alors donc, du moment qu'il y a une fécondation, ça commence. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il arrive simplement que plus le corps physique grandit, plus le périsprit grandit, et l'âme descend à l'intérieur, et l'âme descendant à l'intérieur, elle vient s'effondrer sur le périsprit du corps physique, et lentement, tout le phénomène réincarnationnel qui descend à l'intérieur vient épaissir le périsprit par l'intérieur, jusqu'à temps qu'un phénomène réincarnationnel d'idéal de possession du corps physique, de maître du corps physique apparaissent, et c'est l'adulte qui va commencer à se réincarner vers l'adolescence. Et bien là, au lieu de créer un périsprit pour l'épaissir, les phénomènes réincarnationnels adultes qui descendent à l'intérieur vont user le corps physique et user le périsprit pour pouvoir revivre des phénomènes expérientiels qu'ils ont déjà connus. Et à partir de là, on aura donc un amincissement du périsprit. L'adolescent devient de plus en plus influençable. Et ça va arriver, ils vont se droguer, ils ne se droguaient pas. Ils ont été contre la cigarette lorsqu'ils étaient jeunes, mais maintenant ils fument comme une cheminée. Et influençable au coton. Et là, il voudra être collectif, collectivisé, il voudra s'amuser. Là, ce qui va arriver, c'est que donc cette âme qui descend, le liquide, la substance astrale du monde de la mort qui descend à l'intérieur de l'enfant, vient nourrir, grossir le monde, le périsprit par l'intérieur, alors que l'alimentation physique extérieure ainsi que l'expérience de la vie va le grossir par l'extérieur. Donc, l'astral a la faculté d'engendrer un corps vital plus solide. Si on a un phénomène réincarnationnel intéressant, si c'est un phénomène débile, où on est toujours stressé, toujours pris, toujours anxieux, toujours inquiet, on le gruge par en dedans. On reste donc extrêmement influençable. Lorsque l'évolution de l'enfant se fait, il va arriver un temps, si notre être humain est suffisamment conscient de lui-même, eh bien, il va arriver un temps où il va commencer à intelligencer, à comprendre l'intelligence, à conscientiser l'idée que l'expression complète et totale de toute sa structure émotive n'est pas nécessairement bonne. Premièrement, j'ai déjà expliqué que chaque émotion détruisait le corps physique, c'est une agression par rapport au corps physique, puis l'expression corporelle de l'émotion est simplement une réaction, une lutte contre l'agression astrale. Bien, lorsque cela se fait, l'individu va commencer à gérer un peu plus le phénomène de la réincarnation, et il va donc changer son onde de forme, c'est-à-dire que si tu t'habilles en guignou, tu attires des mémoires de guignou. Si tu t'habilles en personnage plus propre, lentement, tu vas attirer des mémoires de personnages propres. Alors, j'expliquais souvent que si tu veux apprendre la médecine, habille-toi un peu plus en médecin. Hein? Mets-toi un stéthoscope, même si tu ne sais pas comment ça marche. Bon. Et puis, lentement, tu permets la réincarnation de mémoire de médecin. Tu te promènes avec un stéthoscope sur la rue, tu vas avoir des demandes. Tu vas avoir des commandes sur sa voiture parce que les gens sont bien manipulés par le stéthoscope. Hein? Ils veulent avoir le mauvais bout sur eux, j'aime le bon, mais c'est pas grave. Et lentement, après 2, 3, 4 ans, tu as tellement réincarné des mémoires particulières de ce genre de phénomène que tu comprends mieux la médecine, tu comprends mieux les choses, et leur nombre de formes est important. Au fur et à mesure de l'évolution de l'individu, il peut donc, l'expérience de la vie nous amène à grossir le périsprit par l'extérieur, et l'expérience de la vie nous amène à l'amincir par l'intérieur, ce que j'appelle moi les pertes d'énergie, t'engueuler, chialer, crier, etc. Quand tu es fatigué physiquement, tu en perds par l'extérieur. Mais toute la cérémonie continuelle de cette humanité paranoïaque qui fait que tu es toujours en stress, en peur, en train de te défendre, défendre ta personnalité, tu brûles par l'intérieur cette énergie. Plus tu accumules de cette énergie, donc moins tu es confronté à vivre une guerre d'ego régulière, plus tu accumules cette énergie, il va venir un temps où cette énergie accumulée va commencer à oppresser l'ego. L'ego qui est l'identification suprême de ta présence sur la planète. Oppressant l'ego va commencer à éliminer de l'énergie vitale, mais il ne pourra pas la têter parce qu'elle est structurée par la conscience. Éliminant l'énergie vitale, il va commencer à faire en sorte que ton corps physique va devoir supporter plus d'énergie vitale que le périsprit. Alors tu vas commencer à vivre des symptômes de mutation physique. La mutation physique va engendrer une mutation neuronique, une mutation endocrinienne, certaines maladies typiques de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, et à moyen terme, ça va engendrer une guérison totale de ton corps physique, ainsi qu'un ralentissement du vieillissement pour arriver finalement à une stagnation au niveau de l'âge et plus tard à un rajeunissement dépendant de l'intelligence qu'on a de rajeunir. Si tu as 12 ans, tu ne rajeuniras pas tout de suite. On va attendre. Tu dépenses que tu envoies de l'énergie vitale. Oui. OK. C'est pas fini. Ça viendra à ce moment. Donc, une fois que tu as fait ce genre de travail, eh bien, lentement, si tu as encore trop d'énergie vitale, parce que ce qui pénètre chez toi est bien orchestré vers un centre hautement spirituel du point de vue réincarnatif, plutôt que de ramasser n'importe quoi, tu vas pas avoir des vues de rats, parce que là, tu réincarnes des phénomènes qui ont peur. Tu vas pas avoir des vues de sexe, tu réincarnes des phénomènes de sexe. Tu trilles l'information qui doit susciter chez toi une expression endocrinienne, donc un plaisir ou une peur. Tu filtres énormément l'expérience au niveau de ta vie pour que se réincarne ce que tu as besoin qu'il se réincarne. C'est sûr que quand tu te fais sœur ou moine, ben, il se réincarne des moines et des sœurs. Bien, nécessairement, ça crée là, c'est très limité. Alors, on doit s'arranger pour filtrer, mais on peut filtrer d'une façon relativement large. Lentement, il y aura trop d'énergie vitale et ça va commencer atomiquement à créer un double attaché à ton corps physique, un double atomique de tout ce qui constitue ta structure moléculaire, donc atomique, mais un double d'énergie intra-atomique, un double d'énergie vitale, un double d'énergie éthérique, qui va paramétrer totalement ta structure corporelle. Et c'est cette structure corporelle-là qui maintient l'esprit à l'intérieur de toi, qui est la structure du corps physique, et qui, pour cela, maintient l'âme. Lorsque le corps physique meurt, eh bien, le corps physique mourant, il va rester la copie conforme de ton corps atomique, de ton corps moléculaire, qu'on appelle le double éthérique, bon, le double moronciel, et cette copie-là ne meurt pas, elle peut mourir. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver simplement que cette copie-là, si le corps physique meurt, l'âme va être contrée à habiter cette copie, et l'âme va donc gagner le plan moronciel avec cette copie, le double éthérique. Et dans le plan moronciel, eh bien, il y aura encore les personnalités et les anges qui vont descendre pour venir te dire que en haut, la télévision est en trois dimensions, plutôt qu'en couleur. Et puis là, tu vas voir cette lumière du monde de la mort. Mais le problème, c'est que la lumière qui est en toi va être plus puissante. Et comme l'être humain marche par comparaison du point de vue de l'ego, par différence de potentiel, si je suis plus éclairé que l'éclairage qui est là-bas, je ne vois pas l'éclairage qui est là-bas. Donc, ça va venir bourdonner autour de moi. J'aurai peut-être une tapette à moi, je ne sais pas trop. Et puis, je ne pourrai pas suivre. Ne pouvant pas suivre, je n'irai pas dans le monde de la mort. Donc, je ne toucherai pas le périsprit du monde de la mort et je ne serai pas proche dedans pour être digéré. Je deviens donc maintenant éternel. Je me réincarnerai possiblement, on va revenir dans la deuxième partie, mais je ne meurs plus. Oui. Mais à ce moment-là, non, ce qui se produit, Daniel, n'est pas... est-ce que tu as conscience de ça, premièrement? Oui. L'individu a conscience. Alors, la première il peut aller voir dans les hautes sphères spirituelles pour voir qu'est-ce qu'il y a. Si la conscience est capable de revenir. Tu ramènes ça ici. Ils avaient des questions, on va les placer sur papier. Et puis, on va se faire un plaisir d'y répondre. Lui de les poser, moi de les répondre après la deuxième. C'est l'entracte. C'est pas possible.